Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 15 février à la question du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour accuser les États-Unis et leurs suivistes qui mettent en cause le tir d'essai de notre engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol. Il a dit notamment « Le 13 février, à l'initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a publié le communiqué qui taxe le tir d'essai du modèle Pukhoe-102, notre engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol, de violation d'une soi-disant résolution et prétend la prise d'une mesure importante supplémentaire. » Rappelons que ce tir d'essai est dans le cadre du processus normal pour l'application de la ligne de notre État consistant à mener de front la construction économique et des forces nucléaires. Les États-Unis livrent chaque année à plusieurs fois les exercices militaires conjoints d'envergure, exercices de guerre nucléaire, qui ne visent sans aucun doute en prétendant qu'ils sont annuels et défensifs. Le 8 février, ce pays a effectué le lancement d'essais d'une fusée balistique intercontinentale en déclarant l'interception de la possibilité d'une provocation militaire de la Corée du Nord. Par ailleurs, les pays voisins et d'autres pays lancent l'un après l'autre des fusées de différentes sortes, comme la fusée balistique intercontinentale. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui stigmatise comme l'illégalité les essais pour notre légitime défense et qui ne prononce aucun mot devant les essais des États-Unis et d'autres pays, exemple typique de deux poids et deux mesures, n'a plus le droit depuis déjà longtemps de mettre en cause notre juste mesure d'autodéfense. Nous avons déjà exigé du secrétariat de l'ONU d'organiser un forum international pour discuter officiellement du fondement juridique des résolutions de sanctions adoptées de force par le Conseil de sécurité contre notre République. Le Conseil de sécurité doit regarder correctement la position stratégique de notre République qui occupe fièrement le premier rang des puissances nucléaires et comprendre bien que notre mesure autodéfensive constitue la puissante dissuasion qui prévient une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne et dans la région.